100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne. Niska. Ouais. Mets le casque, s'il te plaît, mets le casque. Ouais, ouais, voilà. Ouais, on est vendredi soir, tu reviens d'où là? Jamais. Là, j'étais. Tout à l'heure, j'étais à Rouen. Bien. À Rouen, ouais, petite séance dédicace. Ouais, c'était lourd comme parfait. Jamais. Comme jamais. Numéro 1 des ventes d'albums digitales, c'est parti. Zifukuro est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ouais. On va fêter ça ce soir, hein. Comme jamais, frère. C'est que je suis un sacré fêtard, moi. Ouais, ouais, moi aussi. C'est vrai. Bien alors, ouais. Et ben, on est fait pour s'entendre. Ouais. J'ai envie de dire. Niska, elle est avec nous dans la nocturne 100% rap français. Ça fait plaisir de t'avoir. Il y a quelques jours, tu étais là pour présenter dans Planète Rap l'album. Ouais, il y a deux semaines ou trois, je crois. Donc là, est-ce que tu es content? Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Jour de sortie, comment tu te sens? Franchement, je me sens bien. Je me sens bien comme jamais. C'est quand vrai? Je me sens libre, tu vois. Tu te dis, ah, c'est bon, c'est le jour, ça y est, c'est fait. En même temps, tu as lâché un bébé, donc il ne t'appartient plus. Il appartient au public. Ouais, maintenant, c'est au public. C'est au public de juger. Eh bah, ben, dites-nous d'ailleurs vos morceaux préférés, vous balancez avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne sur Skyrock. On y va, coup d'envoi, on va attaquer avec le morceau MLC. Ouais, parce que le clip est arrivé quand aujourd'hui, hein? Ouais, non, le clip il est arrivé hier soir. Hier soir, ouais, hier soir. Hier soir, et ouais. Donc voilà. Avec Booba. Avec Booba, ouais. Exactement. Mon meilleur ami de Miami. Ouais, exactement, voilà. C'est parti, coup d'envoi, on attaque? Vas-y, direct. Allez, c'est La Nocturne, Niska au contrôle. Vas-y. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. DJ Pelec gère le piano. Welcome to the sun, to the sun. Bendo, bendo, bendo na bendo. Welcome, welcome, welcome. Bendo, bendo, bendo na bendo. Ego, je déploie mes ailes comme un charreau. Tu vas finir sur le cas. Petit connard, beaucoup ont essayé de me mettre à l'eau. J'suis encore là 20 ans plus tard. Fuck, Tago, ce monstre pirate dans son plumard. Le bruit et l'odeur, c'est moi. Demande à chaque Chirac. Peine chaque syllabe dans leur mère. Fion se dilate. J'aime baiser des Mexicaines. Demande à Pierre Gignac. Faut que le salaire à Verratti. Pas que la fuck. Quand j'ai plus gardi, mettez-moi une de chaque. Ego, je déploie mes ailes comme un char. Sacrifice égal bénéfice. Je fais ma plus grosse bitch dans un hitch. basket dans les fessés, revers tout droit, Yannick Noah. J'suis dans le fond du bail avec mes loups, on vend la dope. J't'attends sur ton parking, ce soir j'vais te faire baliser. Et si j'dois t'allumer, c'est pas Johnny qui a l'idée. Ego, je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Ces charclos sont complètement paro. Ils sont pas carrés, ils n'ont pas. Oh Manu le coq, pourquoi j'ai vendu la coque. Bouffi, chantier du coq, mon état d'esprit est glauque. Je ne peux pas baisser mon froc, je vais faire tomber mon glauque. Tomber mon glauque. Je ne peux pas baisser mon froc, je vais faire tomber mon glauque. La nocturne. C'est la Nocturne, 100% rap français avec Niska au contrôle de la Nocturne. 100% rap français. Hey, classique. Lunettes teintées, phares et non, vitres teintées. Bender, je partais au charbon, oui. Les biches portent blindées. Oui. J'ai encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'arbonne toujours les mains gâtées. Oui. J'arbonne toujours les mains gâtées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Oh, oui, oui. Elle prend pas le cul, elle veut pas se régater le clito. Bendo, la bendo. Tosse comme un charron. Oui. Petit Nigga Salo Ghetto. Pas de race, pas, t'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Ouais. Et Bento, Mathieu Di Charo. Au Paco les Choco. Maintenant, t'as même le terros. On paye pour qu'on t'arrose. Rafikente et la parole. Rafikente et la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Plan A, je vais plomber. Ou comme la peu, je vais planter. J'commence seulement, j'commence seulement. Mathieu Di Rac. On a la talement. Dans la rue, ça t'allume brutalement. En tes masques ou en véhicule allemand. Allemand, allemand. Tu tires apparemment. Allemand. Pourquoi tu cries mon grand? Tiens, vas-y prends un calmant. Auto chiume pour tous les frères qui tombent. J'arrive jamais seul, demande pas pourquoi derrière moi c'est sombre. C'est pas que je bombe, mais mes frères c'est mon nombre. J'suis barbu, j'pose pas de bombe, j'veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de yo, donc je le braque. Faut bendo illico, rouille à la bac. Faut viser comme Nico, j'ai changé de bas. Elle est en hélico, j'suis en jetpack. On veut des sous comme au loto. Pas de peine blanchée, pas de toto. Poto, pied blanché dans l'auto. On est les bestias, pas fait tout. C'est de l'argent, qui t'a condition, protège la mufle. Et qui veut pas avoir feu comme un avion. On sait faire la guerre comme des sauvages. Puis comme des bisous, du cognac. Bibi, bibi, des trolls, ils sont gros face. Le thème c'est Tana, Tana, Tana, des squats. J'fais mes doigts. Oh la amiga, amiga, les chicas font hella. J'fais ma moula, qui t'a dépensé. Attaque à la marche comme un roubaix. Koutou, koutou, koutou. J'te mets les trois points comme Jordan et Moula. Allumé, manque de potes, tu vas t'a touché. Tu dis charron, tu dis charron, tu dis charron, tu dis charron, tu dis charron, tu Machu du charo, Machu du charo, Machu du charo, Machu du charo, Machu du charo, Machu du charo. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Niska, ouais. Tu vas découvrir un peu l'ambiance de la nocturne. Hein. Ah, je vois que c'est le feu. Hein. Tu as vu ça un peu ou pas? Mathieu dit Charo à l'instant. Un petit retour en arrière, évidemment, sur le. Flash dans le passé. Voilà, un petit retour sur le passé. Ouais. C'est le morceau d'ailleurs où tu disais je peux pas refaire Mathieu dit Charo en fait. C'est, ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des morceaux comme ça, tu vois. Mm. C'est des morceaux qu'on fait comme ça. Ça vient instantanément, comme ça, boum, et puis. Ça s'invente pas en fait ce genre de morceaux. Et puis là surtout il y a l'album depuis aujourd'hui. L'album qui est sorti Zif Koro depuis ce matin là et ouais. Allez cliquer, ça allez se passe bien. Comme jamais, ouais. T'es content. On va pas se plaindre, hein, numéro 1 sur iTunes. Je vois de nombreux tweets et tout, ça parle. Dites-nous, de l'album d'ailleurs, bien. C'est quoi les morceaux qui ressortent un peu Niska? Franchement, les morceaux, ouais. Tout de suite là, si je devrais te dire, il y a. Je te dis de tête, hein. Oui. MLC. Mmh. Y a on a écouté, Italia, ouais. Italia. Que les gens font beaucoup. Il y a Elle avait son Joe avec Maître Gims. Mmh. Elle avait son Joe. T'as Mauvais Payeur aussi qui sort pas mal. T'as L'Ennemi avec Kalash. Et Claquer la monnaie. Et bah parfait. Allez cliquer maintenant. Niska est là avec nous dans la nocturne 100% rap français. On avait promis Italia, on le met maintenant? Oui. Direct. Oui. Oui. Direct. Ah. Italia, Niska au contrôle de la nocturne. C'est parti. Ah. Je suis un transformateur. Le charo ne parle pas beaucoup. Et t'es mal au bout. Que suis-je maîtrisé? Finé sur les Champs-Élysées. Avec mon président, je ne peux pas refuser. Ouais. Je suis dans la fusée des fusées. Je contrôle la maison comme la NASA. Tiens. Les pauvres ils sont trop dégoûtés. Même dans leur choquet, je pète les caissons. Oui. Rapper pour moi, c'est trop facile. Comme un Colombien qui cuisine la résine. Voilà. Si demain je sens la perquise, y'a pas de soucis. Je dors chez la voisine. Ouais. Allô, t'es où? Hein? Oh, Seigneur, t'es là. Bango, Bazo, Lela. Nazo, Kosebe, là. J'ai trop le truc à la Tupac et Biggie. Ce genre de beat me fait bouger. J'écris mes textes dans un buggy. Je vais sortir mon flingue, tu vas bugger. Les personnes continuent, les manifestations. L'état continue, manipulation. Mademoiselle la prod, je vous demande pardon. C'est pas de la beuh mais de la végétation. Nouvelle location, je passe à la station. Total, total, total, total. C'est pas de la beuh mais de la végétation. Je ne vends pas de rêve, je suis jamais. Je ne vends pas de rêve, je suis comme Davado, sabre laser comme un Anakin. Couille à maman, je vous encule. Pa, pa, pa. Jungle, jungle, jungle. Petits ne veulent plus qu'on les vire, qu'on les engueule. Ils nous respectent car savent qu'on a fait du lum. Nous respectent car savent qu'on a fait du lum. Ouais. Pacoji, Pacoji, Poroni. Yeah. Poto, Poto, Naritali Gang. J'enfile tes gants pour t'enlever la vie. Ouais. Et quand je le fais, je le fais parisien. Ouais. Je coupe et j'emballe et tu inhales. Ouais. Dans le couloir d'amour, il n'y a qu'une allée. Ouais. Je bouge mes épaules comme au Funana. Yeah. Et même en été, je vis sous la neige. Stop, nigga. Planète rap. La Nocturne. Ouais, elle avait son jour. Niska fait remettre Game sur l'album Zifukoro. Présent dans les bacs, ma gueule, depuis le 3 juin, ça pète comme jamais. Hey, tu pensais qu'elle t'aimait, elle avait son job. Elle avait son job. Inutile de le nier, elle a volé ton cœur. Maman, tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter l'argent par la fenêtre, sinon le job va devenir ton proxénète. Ah ouais, ça twerk, ça twerk. Ils sont chauds. Ça twerk en direct des skies dans la nocturne, ma gueule. C'est triste à dire, elle voulait les papiers. On y va. Elle voulait juste les papiers. Allez. La Nocturne, 100% rap français, Niska au contrôle de La Nocturne sur Skyrock. Yeah, n'importe où. Hey, comme jamais. N'importe quoi, non, La Nocturne, ouais, franchement, Niska. Ouais, c'est la guerre ce soir. Alors, comment tu pourrais d'ailleurs traduire « Elle avait son Joe » ? « Elle avait son Joe », ben, ça veut dire « Elle avait son mec », en fait. C'est une histoire. On raconte l'histoire de... des histoires assez courantes qu'on connaît, qui se passent de femmes, hein, qui ont déjà des petits copains et puis qui s'amusent à draguer d'autres mecs. Non, on connaît ça, toi ? Ouais, on connaît. Tu connais ? S'amusent à draguer d'autres mecs pour du matos, tu vois. Niska avec nous. En tout cas, l'album loupé pas. Ce morceau est sur l'album, hein, d'ailleurs. Ouais, elle est sur l'album qui est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les bacs, Zifukoro, l'album de Niska. On repart sur quoi, Niska ? Qu'est-ce qu'on met ? Là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Tout de suite, mets-moi claquer la monnaie. Claquer la monnaie. Si tu veux, ok, claquer la monnaie. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. La Nocturne, 100% rap français. Niska au contrôle. Dans la poche du costard, je vais aller bronzer sur un transat. Pardon pour le mal, j'ai causé. Non, ça c'est tout qui. Oui, mais je fais découvrir en même temps. Ah ouais. Tu m'en veux pas ? Non, pas de soucis. Je mets des extraits, c'est en direct. Hein, c'est La Nocturne, 100% rap français. Niska, claquer la monnaie maintenant. Faut prendre du samedi, claquer la monnaie. Zanotti Luizi, claquer la monnaie. Des milliers d'euros, j'suis trop japonais. Elle fait la belle gosse mais personne la connaît. Numéro uno, premier des premiers. J'suis à l'hôtel en train de claquer la monnaie. Claquer des seufs, enlever sa culotte. Enlever son soutif, bouffer des nonnes. Depuis petit peu j'traîne qu'avec des gros poneys. T'es sur le raté mais es-tu cramponné? Charlie des meudas, passe téléphoner. chez garçon d'à côté. Fatou m'a rappelé parce que j'étais coté. Quoi comme les tragédies, on t'a boycotté. Je suis congolais, pantalon sauté, pantalon sauté. Je suis dans ma ZD, le petit accueil si tu n'es pas invité. Et puis bande d'enfoirés, faut me respecter. Je baisse de game avec tant de vulgarité. Toujours dans les dons, j'ai bon mon costard. Le jour de paye, je suis jamais en retard. Joue pas les durs, tu vas bouffer le trottoir. Y'a plus de paix, je te jure, il est trop tard. T'as pipi comme un bras, mais le week-end t'es sorti, nous ça fait. Un bouquet en taillant les massages, les tapes, le soleil t'es parti. T'es tombé amoureux d'une beurrée, tout ce verre t'as fini par un jour. Mon équipe a du bif, ses bouffons nous envie car il nous va souvent. Claquer la monnaie, oh claquer la monnaie. Explicite lyrics. La nocturne. Puto. Wesh, par en nager. C'est la page en dos. Wesh, va s'en lâcher. Faut que mes sur un bigo. Wesh, j'ai de l'euro des pères. Couleur indigo, des joueurs, j'ai pour des joueurs, ça va même être. Des mensonges d'oreiller, fallait m'éviter. J'suis en holiday, c'est une everyday. Ils nous ont vu passer, ils ont préconisé. Mensonges d'oreiller, faut réanimer. Pardon, moi je vends la bœuf, les grands du Tigard nous formaient dans la cave. Reviens déjà mon baveux, y'a qu'on rosifu, y'a le S et le H. Ils ont senti la mort, ils ont appelé les rats. Sur la route de la S, ils font d'accélérer. Joue pas les gros, ils ont pas de casser les rats. C'est pour mes chars, on porte, on met scélérats. Ce fils est de top, il a donné des blases. Le lendemain soir, on lui a rendu visite. Et non, ma chérie, j'ai pas vendu mon âme. Je côtoie le crime, je ne vends que du shit. Je fais des showcases, je vais braquer les boîtes. Après 2-3 piges, je me barre à Brazzaville. Elle préfère la bite, elle aime pas que je la goite. Nouveau jour, je suis son sex appeal. Je suis dans le truc, bah ouais, gun dans le feu. Bah ouais, on a la stupe. Bah ouais, on a le truc. Bah ouais, on a le truc. Bah ouais, on a le truc. Bah ouais, claque du huc. Bah ouais, on les fuc. Bah ouais, matafuc. Bah ouais, matafuc. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Allez, paye, paye, paye, paye. Ah, t'es mort, mort, mort, mort, mort. Wesh, allons nager. C'est la tâche en dos. Wesh, va s'en lâcher. Faut que mes sur un bigo. Wesh, j'ai de l'euro des pères. Couleur indigo. Des joueurs, j'ai prends des joueurs. Ça va même être. Des morts sur l'oreiller, fallait m'éviter. J'suis en holiday, c'est une everyday. Ils nous ont vu passer, ils ont préconisé. Morts sur l'oreiller, faut réanimer. On n'a pas oublié tous tes hits de salope, on n'est pas amnésique. J't'ai sorti un club, le même qu'on les flics. C'était pas une réplique. versus c'est ma bite et celle de mes potes, ils ont l'alcool mauvais. On remplit la fosse, j'en ai rien à foutre que t'es venu pour l'artiste. Quoi, tu m'as bien regardé, est-ce que tu veux que je te dise qu'on va bien parce qu'il y a de l'artiste. Bon, ok, on va bien. Pour un rien, viens racheter ta ville, putain, t'auras rien. T'aurais préféré me voir crever, puis ta glace dans les reins. Là où il y a Amsterdam, y'en a plus, accompagne l'évêque. J'ai un 357 pour voir, vas-y, fais parler tes becs. Petit virulent, flingue au volant, lâchera pas son steak. Qu'est-ce que tu dois ou je te mets du plomb avant que je passe graille au grec. Fallait payer, payer, payer, payer. Un peu, juste un peu. Là t'es mort, mort, mort, mort, mort. Ouais, chaud, allons nager. C'est la flash en dos. Ouais, chaud, va s'engager. 30 000 sur un bigot. Ouais, chaud, j'ai de l'euro des pierres. Couleur indigo. T'es joueur, j'suis con des joueurs. Ça va même pas. T'es mort sur l'oreiller. Fallait m'éviter. J'suis en holiday. Sleeping every day. Ils nous ont vu passer. Ils ont préconisé. Mort sur l'oreiller. Si j'ai acheté un Porsche le jour de leur mort, y'aura pas de collabo, gros, ça va pas la tête. Tout pour la victoire, faut que la défaite. Perdu dans le dunia, achète une canne à pêche. Ces petits menteurs sont des narrateurs. Aucun rappeur n'est mon copain. J'suis pas venu pour faire le fédérateur. J'suis venu faire le rôle de l'admirateur. Ça va la vie, hasta la vista. Ils jouent les gros bras, je ne les calcule pas. Sans aucun peu réaliste. Le plus fort du monde à la kippa. Skippa, ne flippe pas. Je vais pas tirer, ne recule pas. Et j'crois qu'elle a capté le truc. Elle prend dans la bouche, mais ne fume pas. Elle a refait ses nichons, hein. Elle a des serres de michetons, hein. Vas-y, elle aime le liquide. Ta ken sur la douche au moins une fois. Quand c'est Bélec à la réalisation, il me reste à faire de la concrétisation. Dieu a béni mes plantations. Oui, l'argent est le fruit de ma passion. Allez, paye, paye, paye, paye. Là, t'es mort, mort, mort, mort, mort. Ouais, chaud, allons nager. C'est la flash en dos. Ouais, chaud, va s'engager. 30 000 sur un bigot. Ouais, chaud, j'ai de l'euro des pères. Couleur indigo. T'es joueur, j'ai grand des joueurs. Ça va même pas. T'es mort sur l'oreiller. Fallait m'éviter. J'suis en holiday. Sleeping every day. Ils nous ont vu passer. Ils ont préconisé. Mort sur l'oreiller. Faut très animé. C'est La Nocturne, 100% rap français. Niska au contrôle de La Nocturne sur Skyrock. Mauvais payeur à l'instant. Extrait de l'album qui est dans les bacs Zif Koro. Niska, ça va ou quoi, hein? Ah, ah ouais, attends, tranquille et toi? Je t'entends pas. Ouais, c'est pour ça que tu m'entendais pas. Tu es halluciné par l'ambiance de La Nocturne. Ah, ce soir c'est chaud comme jamais. C'est chaud comme jamais. La Nocturne, 100% rap français avec Niska avec nous au contrôle. L'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut cliquer tout de suite. Zif Koro, on peut l'avoir. Voilà, exactement. On peut cliquer sur iTunes, Deezer, Spotify, sur Google Play. On peut aller dans les magasins. Il est là comme jamais. On repart sur quoi, Niska? Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, attends, moi j'ai un choix. Hein. Ouais, vas-y. Celui-ci. Attends. Hop, écoute ça. Ah, direct. Vas-y. Allez, direct. Le clip est là. Ouais. Le clip est là. Ouais. On sait maintenant qui est Mustapha Jefferson. Exactement. Exactement. Non, exactement. On connaît Mustapha Jefferson. Donc voilà. Mais attends, avant, je voulais passer une dédicace. Vas-y. Grosse dédicace à mon gars Malaki. Toujours, on est là, mon frère, tu connais, la Nezo. Et dédicace à Gogo. Gogo, ah, hey, j'ai vu tes appels, mon frère. Je suis à Skyrock, là, je peux pas répondre. Mais pendant, tu connais, on est ensemble. Pendant quelques minutes encore, on va mettre des jamais. Sons, on va s'ambiancer avec dédicace Niska. Dédicace à tous les frères en Habs, mon frère, on est ensemble comme jamais. Voilà. Et là, ouais, honnêtement, allez mater le clip, écoutez le son Mustapha Jefferson. Yeah. Japonais. Le bon, Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Ah. Sombre rat, puis fier comme un charron. Et General Crow. Tala, tala, ah. J'te vois pas dans nos célébrations ni aux enterrements. Tu galères pour nous compter, négro, on est tellement. T'as voulu t'opposer, tu t'es fait étaler bêtement. Y'a des charros, des généraux qui ratent depuis longtemps. Qui pourra stopper la street, banlieues à forifier. Bénis soit les miens. Rebelle depuis le sein. Un coup de fil anonyme dans ta tête. Donne 2-3 indices, j'ai ton adresse. Prends le plus petit vaillant qui sort du Hebs. Il te liquide ta mère, je paye ses vacances. Allô, je décroche mon bigot. La sœur d'un rappeur veut de la tendresse. Oh, complètement barjo. J'ai baisé sa mère, pas maladresse. Coro des coro Tavares. Je veux le feed avec Selena Gomez. Tout est noir comme chez les commis. Je suis congolais comme Georgiane Goma. Martinique, Guadada, Guyana. Des criminels comme mon gars Sam. Pas de camarade, tu vas sous mana. Je suis capitaine, je vends mon brassard. Je suis dans le pis. Je te vois pas dans nos célébrations ni aux enterrements. Tu galères pour nous compter, négro, on est tellement. T'as voulu t'opposer, tu t'es fait étaler bêtement. Y'a des charros, des généraux qui ratent depuis longtemps. Qui pourra stopper la street, banlieues à forifier. J'irai te ne jamais se laisser aller. Faudra s'il nous fallait, s'il faut prendre des salés. Quand la fin du mois est salée. En France, bat des libres que quand tu nais. Au Dieu-Cœur, bat des libres que quand tu nies. Et le 3-5-7 à l'état de fond de mon continent. Voiture allemande, là ça peut être d'Italie. Les Saint-Jeunet, Charlie, ça m'étalie. J'ai du liquide, digo, j'paye en liquide. Rends mon liquide ou bien j'te brutalise. Y'a 2-3 bouffons qui font les Mac. On gère pas une pute à la Windows. J'bois pas, j'pibi des vins. Ouais, disque à revient, pas de Bordeaux. J'te vois pas dans nos célébrations ni aux enterrements. Tu galères pour nous compter, négro, on est tellement. T'as voulu t'opposer, tu t'es fait étaler bêtement. Y'a des charros, des généraux qui ratent depuis longtemps. Qui pourra stopper la street, banlieues à forifier. Son rap français Niska. Bye bye, bye. On contrôle avec Kalash. T'aimes bien Kalash, hein? Ouais. Il est bon, hein? Ah, franchement, il est fort, mec. Il est fort. Il est fort. Ça aussi, lui-même, il est fort. Lui-même, artistiquement, ouais, c'est une crème. Zifou Koro, vous retrouvez également cet album dans les bacs depuis aujourd'hui. Avec Niska au contrôle de la nocturne, 100% rap français. Vos messages, dites-nous d'ailleurs vos morceaux préférés, allez-y, balancez avec le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. Niska, ouais, on part pour une nouvelle session, non? Ouais, obligé. À moins que tu veuilles rentrer, tu veux? Non. Tu veux rentrer ou pas? Non, jamais. Tu es choqué par la nocturne, jamais. Peut-être, non? Non. Alors avec quoi on pourrait continuer? Eh ben, je sais pas, comme tu veux. Attends, laisse-moi réfléchir. Mets-moi qu'à la boca. Fit Gradure. Ah, ah, celui-ci il est fort aussi. Ouais, hein. Il est lourd aussi. Kalaboka avec Gradure maintenant dans la nocturne. 100% rap français. Une dédicace à Gradure aussi, non? Gros big up à mon gars Gradure. Bye bye bye, Chege. Tu sais où il est là? Ouais, il est au Maroc. Ah. Ouais, il est au Maroc. Il se met bien quand même, hein, celui-ci. Il fait la folie, hein. Il fait la folie au Maroc. Il s'amuse. Il se met bien. Hein, bye bye, comme jamais. La nocturne Niska, les messages balancés, la nocturne 100% rap français, Kalaboka. Bye bye. Gradi, Oji, Zifu, Koro. Gradi, Oji, Zifu, Koro. Gradi, Oji, Zifu, Koro. elles me suivent quand je roule la conne. Je suis pété toute la journée avec mes boucles, ça fume la drogue. Bébé, il bégit pas pour dégainer un bolide d'occasse. Je suis un foot, rien à foutre. Everyday sur le rinté, je te parle pas de foot. Rien que ça fume, la drogue douce. Bébé, tire pas sur mon joint si tu tousses. Bébé, va te refaire les fesses, pas le temps pour faire du squad. Elle a tellement mouillé quand j'ai les doigts et que j'en ai les mains moi. J'ai vu qu'on redécorombe, pourquoi il faut ton matisse à l'icolo. Donc avec mes nègres dans le blot, sa bibi, sa détaille est killer. J'ai mon joujou caché dans la vague. Delta, Charlie, Delta, Tango, Schweitzer, Schweitzer. Des chaînes qu'on revend du doré, qu'on revend du doré. Un corps de l'essence, une corde, imbriquer une forêt. Nouveau flow, nouvelle prod, nouveau style, nouvelle catégorie. Je vais leur briser l'orifice, je vais m'apporter du bénéfice, ils vont demander l'armistice, je crois que j'ai capté le vice, je vais plus prendre le bus, Vente de cocaïne, vente de cannabis, vente des OG cash. Front du carré VIP, je suis avec l'équipe, gros maintenant Grigus. Je suis dans le Ouais, gros big up DJ Belek. Sur Skyrock. Gros big up DJ Belek. Niska, Nocturne. Comme jamais, Spengo. La petite est montée à la Je suis sur mon bateau, allez, voilà, je suis sur mon bateau, allô, on y va. B-Fox, hein, Madra. Fiquente. Allez, préparez-vous. Position, position. À la cul. Richemont. Richwood. Richwood. Kuluta, Kuluta. Kalelo. Kuluta, Kuluta. On y va. Non. C'est ça, mais sortir le maillot. Hein. Charo. Ça dit quoi? Ouais, mort! C'est comment Hollywood? Ascos! Non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ah, mais Fred, là, t'as. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça sent l'Afrique, là! Ah, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu connais, tu connais. Non, mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, les sons rendent fous en fait. Ah, c'est ça, c'est comme ça. Une heure du match, les sons rendent fous. Tu connais, tu connais. La Nocturne, merci Niska en tout cas d'être passé dans cette Nocturne. T'es fatigué ou quoi, frère? Ouais, grave. C'est pour ça que t'as dansé comme ça. Merci à toi Zifu Koro et dans les bagues, ça y est, depuis aujourd'hui. Allez acheter. Allez, allez vous procurer. L'album il est lourd. Très très lourd. Faites comme c'est bébé. Miliel. Ah, j'en ai transpiré, putain. J'en ai transpiré, trop bon, trop bon. Non, normal, normal. Comme un petit chacal. Normal, comme un chacal. La nose sous contrôle, normal. Merci normal. À toi Niska, merci à l'équipe qui était là. Tu veux dédicacer, vas-y, hein. C'est le moment où jamais. Grosse dédicace à tous ceux qui soutiennent de loin ou de près, mon frère. On est ensemble. Voilà, les vrais Chao qui se sont procurés l'album comme jamais. Ben voilà, on est ensemble. Sana et Seni, là, de Savini, là. Bye bye. Bye. Merci à toi Niska pour la Nocturne. Début de Nocturne, 100% rap français. Ça continue un petit peu, tu sais quoi? Ouais. Moi j'ai envie de m'ambiancer donc ouais, je remets merci ça. Merci à vous, merci à vous. Gratis. Oh ouais, okay. Il est où Mustapha? Il est où Mustapha? Il est où Mustapha? Ambiancé. Oui Mustapha. Oui. En personne. Oui. Humain. Oui. En costard. Oui. Élégant. Oui. Toujours. Oui. La cagoule. Ni. Élégant. Ni. Tu sais même. Ni. Pas. Hein. Dans carré VIP. Pas. Il bouge même comme un has-been. Netzo. La Nocturne. Mais c'est encore déjà. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Me retrouver, me guigolambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et hey, ouais, ma puce, c'est la thune Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs sapés en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs sapés en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuit. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha. Y'a Coco na Chanel, Coco na Chanel. Y'a Manan Gwaku Ding Gwaku, j'contrôle la maison, apprécie mon parcours. Kende Katako, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Je veux dire, hein, normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé, l'Embilaso focalisé. Sapé comme Chacha, Chama, dorénavant je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie, le Bouzano et Hermès. Lui vite ton sac, je fais la recette. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha. Y'a Coco na Chanel, Coco na Chanel. Kinshasa na Brazza, Libreville à Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Sani Saint-Théo, Medjik na Darcyé, Bilou na Demdemo, Djouna Djana na explicite lyrics. La nocturne. Merci à Niska pour cette nocturne 100% rap français. Zifukuro est dans les bacs. Mehdi est dans les bacs. Pas dans les bacs, mais là. Greg est dans les bacs. Là. Greg, l'autre Greg est dans les bacs. Et là. Le jeune Gage est dans les bacs. Non, pas là, apparemment. Nora. Tout le monde est dans les bacs, ouais. Guapache est dans les bacs. Oui, ne pas être dans les bacs. Quoi, bâtard? Ça va faire mal, c'est parti pour la nocturne 100% à français pendant une heure. Greenleaf est dans la maison. Pour même pas faire 2000 euros. Sarma, t'es pas un tep. Bah bravo, monsieur l'hétéro. Oh, madame la prof. Un jacuzzi en enfer. Nico, on va te faire. Des vrais coucou, un homme à faire. Qu'ils vont prendre des armes. Si nous arrêtons de faire la guerre. Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. Bang bang, rabou la caisse. Je t'agresse par mon cul de graisse. Ah, je dois m'encaisser. Dorénavant, je dois encaisser. Zifukuro. Zifukuro. Escroc comme un Madoff. Ou escroc comme un mécano. Ils vont sucer mon sang, ils vont sucer mon sang, je vais finir Drépano. Oh, monsieur l'agent, pourquoi nous brutaliser? De garde à vue, on est fidélisés. Combien de ces vendus ont voulu qu'on les rachète? connais, si tu cours. On ne connaît pas, on ne connaît que le liquide. C'est qui t'a fait couler le sang sur nos terres d'origine? Ce succès de mer, j'en ai rêvé. J'ai mouillé le maillot, je suis arrivé. Dorénavant, aucun rival. Tous ces rappeurs sont mes produits dérivés. Le père de mon père était genouné. Un vieux du village l'a évangélisé. Mon arrière-grand-mère s'est fait tourner à travers mon teint. T'aperçois que je suis colonisé. Terrorisé, je vais les terroriser. Sans faire de choix, je vais pas favoriser. Tu vois, ce jour faudra le mémoriser. Je vais vous donner une leçon qu'il faudra réviser. Je te laisse t'acheter. 100% explicit lyrics. J'en ai tous, j'ai le blues. Prends rendez-vous chez l'ostéopathe. Je vais reprendre ce que me doit César. Après minuit à l'hôtel, je me fais Cléopâtre. Si tu cours. La nezos sous contrôle, si tu cours. La nezos sous contrôle, ma gueule. Comme jamais. Papa est de retour, les gamins. Si tu cours. C'est la nocturne 100% rap français. Zif Koro. Niska est avec nous. Mais pareil, ça fait plaisir. Un autre mec qui déchire tout dans le rap français s'appelle SCH. Pop, pop, pop, pop, Greg. Def Jam est là. C'est la famille qui est là. Et SCH, franchement, ça fait plaisir. On va écouter un morceau maintenant. Je me dis ça. Yeah. Trop fort, SCH, écoutez ça. Fact, je baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 19 bastos dans mon clac, les lettres montent à se pas les chiffres. On connaît la porte de ton blague, le respect se perd, ouais, pas les chiffres. Trop de billets sur la table, je regarde ma tasse, des jambes écartées sur la table. Je me promets 10 000 dans mon frac, les lettres montent à se pas les chiffres. Je bois la tête, j'cris mal. Je baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. Tech 9, sous le cas, ouais, j'en règle 9. Les mecs, j'suis venu pour voir avec 9. J'suis plus en quête d'un vrai rêve. J'suis beau comme un kilo de rectum. On graille à 4 sur tes boîtes de 12 rings. T'rappelles? T'as appelé 10 ans plus tard, j'mets 12 grammes d'or sur mon new rings. J'veux payer le poteau, m'dis c'est max. J'roule une ange, j'roule une auto automatique. J'remuleuse, mi-automatique. J'remets l'eau, j'remets l'ange dans la zinc. Je rentre, j'achète gosse, on a trop léché de vitrine. J'suis un peu bourré, j'vais la désaper dans l'hybride. J'ai pas mis un doigt, le cuir est déjà plein de cyprès. Hier y'a eu boucherie, le ciel est si gris. Aujourd'hui j'vis un peu, l'ennemi est si triste parce que je promène 10 000 dans mon frac. Les lettres montent à se pas les chiffres. J'bois la tête, j'cris à la fac. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 19 bastos dans mon clac. Les lettres montent à se pas les chiffres. On connaît la porte de ton blague. Le respect se perd, ouais, pas les chiffres. Trop de billets sur la table. Y'a je regarde ma tasse, des jambes écartées sur la table. Y'a je me promène 10 000 dans mon frac. Les lettres montent à se pas les chiffres. J'bois la tête, j'cris mal. Je baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 200 kills dans le coffre, pisse dans la bouteille. Netto sur des fronts, ghetto sur écoute. Khalil sa cellule, rempli comme un henout. J'ai pris trop d'oseille, 4 tas par semaine. Chez toi c'est plus de peur que de mal. Plus de peur que de balle, plus de salope que de vrai. Chez nous c'est plus kilo que gramme. Moins de peur que de balle, plus bien qu'à peu près bien. Cette nuit j'ai compté 30 000 en petit bleu, 20 000 en marron, 2 ans de salaire de greffe. J'suis dans un milieu, juste à 20 000 lieux de vous. 2 ans de salaire en un week-end. J'ai 2-3 ifus, près de mon bifeu. Hier j'avais que ma bite et mon couteau. Moi ma vie elle a pris feu, quand des caisses ont pris feu. Avec des corps inertes, jetés dedans. La nocturne 100% rap français, SCH. Le chaud. Allez vous procurer Anarchie. Et que tout à un coup, je pense qu'il vaut mieux. Que le clip aussi est sorti aujourd'hui, je la connais. Bon, elle fait pas tomber sa robe dans le clip, je suis déçu, mais bon, le clip est pas mal quand même. Allez, cliquez. Dédicace Guapache. Ça va ou pas? En toute tranquillité. On va écouter Emma aussi qui était venue avec Leslie Ja qui je passe une grosse dédicace sur le nord de la France. Je vous kiffe les potos. Revenez quand vous voulez, Emma, dans la nocturne 100% rap français. Qu'est-ce qu'elle a? Un peu. 19. S. Planète rare. je n'ai pas. Yeah, yeah, Emma, dans la nocturne 100% rap français. Moi, je n'ai pas, qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu en toi plus que tu ne sauras jamais m'en faire voir. J'ai vu en toi plus que tu ne sauras jamais m'en faire voir. J'ai vu en toi plus que tu ne sauras jamais m'en faire voir. J'avoue j'en ai vu, j'en ai bavé mon amour dans le noir. Enfermé à double tour pour qu'on ne puisse pas savoir. S'enfuir dans une prison d'amour, mes pensées c'est mon parloir. Et je parle, et je parle, et je parle toute seule dans le noir. Et je tarde, et je tarde, et je tarde toute seule le soir. J'attends que tu me parles sur WhatsApp, hey yo baby WhatsApp. Et à demi-mot tu me dessapes. On parle aussi hip-hop. Tout ce que je note, c'est ce que je dénote. J'entends les fausses notes. L'amour de ta vie, je croyais que c'était le nôtre. Tout ce que je note, c'est ce que je dénote. J'entends les fausses notes. L'amour de ta vie, je croyais que c'était le nôtre. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas? Et j'en fais d'état, une affaire d'état. Pour être la première dame d'un homme que je n'ai pas, qui me met dans tous mes états. L'injection létale et brutale, sérum de vérité. Pronostic sentimental engagé, addiction fatale enragée. Contre-indication médicale, j'y laisse ma santé mentale. Femme étreinte dans une fiction, les yeux pleins d'étoiles éteintes par des larmes. J'ai tout accepté, même l'inacceptable. Personne pour me raisonner, personne pour faire résonner la lampe, personne pour m'arrêter, désolé. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas. Que moi je n'ai pas. J'ai vu en moi ce soir-là quelque chose que je n'aurais jamais su voir. J'ai cru finir sur civière. J'ai une overdose dans le réservoir. Mes yeux sont des rivières entre ciel et terre. Mes yeux ne font que pleuvoir. Je suis entre le pardon, le jour et le je vais t'en vouloir ce soir. Tu es coincé entre deux, je sais. Faire comme si on n'était que deux, j'essaie. Mais tout ce que je hais, c'est que un plus moi plus toi font trois. Et ce que je sais, rien de ce qu'elle aura, tu ne m'offriras. Rien n'est égal ni légal, celle qui sera sans toi souffrira. Dans ma tête, ménage à trois, ménage à trois. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Emma dans la nocturne, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? 100% rap français. Moi je n'ai pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Dédicace au poteau de Leslie Dja, le nord de la France, on pense à vous les gars. Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Que moi je n'ai pas? Que dans 10 minutes, session classique dans la nocturne. On va écouter juste avant Alonso. C'est dans les bacs aussi. Dédicace Alonso. Que moi je n'ai pas. 100% rap français. Planète La nocturne. Vinta. Vinta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout, on appelle. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze.

quête, quête. Grosse te puche ou pas la Rihanna. J'suis un requin, j'suis pas un piranha. Va te rendormir, ta chenille en pyjama. Ouais, ouais, fuck la zère, zère, zère. Sors, toi t'es vert, vert, vert. M'appartient, hein, tant qu'on les sert bien, hein, montre-moi ça me convient. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Je veux le Fanta. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Le Fanta. C'est la nocturne 100% rap français. Chiki, chiki, PNL. Grosse dédicace à PNL dans la nocturne. Allez, on finit avec une session classique ou pas? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Hein? Oui. Oui. Oui, monsieur. Jeune Gage, on est prêt. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Classique. Et voilà le retour du plus foncé de la clinique. Moi, space l'anesthésiste de la tour de contrôle. Avec le doom des cadres toc gynéco. Les sales gosses font leur entrée sur le boulevard. Tant attendu par les rats et l'ascar du César. On pète le champagne, on nique les bénéfices. Les deux schizos ont abandonné la vie sur le morceau. Les gamins de la cité se baladent. Plus flou que jamais, l'école t'est usée dans le cap. Comme le dit Bruno, y'a que du rap à l'eau. Sur toutes les radios, heureusement, v'là les secours. La clinique, cercle vicieux. Tu veux mettre une blouse, cela fait partie du jeu. Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à mon style. Regarde-moi, ai-je l'air d'une soulette qui part en vrille? Je suis fou, c'est certain, Paris nous appartient. Tu peux te garder le soi-disant hip-hop parisien. Je prends du Jean A, j'ai mis ta race sur le trottoir. On ne peut te la rendre, elle nous rapporte des milliards. Ne me considère pas comme le pantin du rap actuel. Je n'ai pas toujours la virgule au-dessus de mes semelles. Moi, je suis aussi libre que l'air. Aussi bien réglé qu'une bombe dans un RER. Si t'as pris le train en marche, on te ramène le poil au départ. La paire de schizos vous coupe la tête en plein sur le boulevard. Les sales gosses sont dans la place. Chaque minute défoncée, n'invite pas la clinique à ta putain de soirée. Mais quoi qu'il en soit, je préfère rester chez moi. Le défilé hip-hop Kaira ne m'intéresse pas. J'ai les martises de bouger dans les bêtises. La capitale est une surface où chaque fois je m'enlise. J'aime donner des rendez-vous aux hip-hop du QG. Fumer, fumer, les connes, les rats, les léchers. Sûrement qu'un séjour, on verra ma tête en première page. Piégé par les paparazzi en train d'ouvrir une cage. Nous sortirons des lascars par centaines par milliers. Nous les cavernes où résident les bandits du quartier. La tête dans les vapes, les poings sur la table. Les scalpels sont dans les poches, sommes-nous des gens aimables? Car je ne veux pas dealer avec le mouvement. Comprends que les enfants de la clinique vont vivre longtemps. Ma vie, ça conçoit avec des femmes et du flic. Ainsi s'achève mon couplet digne d'un mot mystérie. Appuyer pour faire exister tous les mecs du quartier qui se la racontent rappeur. Ma destinée à moi, c'est Ministère Hammer. Alors kiffe nos solos et ferme ta gueule. Je suis aigri comme le Pitachico. J'ai 200 aspects et 50 unités. Je ne fais que serrer et me la raconter. J'ai bluffé des nonnes en pleine prière. Moi j'insulte mon père et j'invoque Lucifer. J'ai fourré mon doigt dans ton intimité. Écarte les cuisses si tu veux apprécier. Ne viens pas chercher le plus grand chien du quartier. J'ai déjà piqué toutes les chiennes enragées. Remonte ton froc quand tu sors du studio. Pantin pour promo, MC Rapallo. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé, c'est la nocturne. Je lui prête mes boules, moi j'ai le manche. Et c'est ma femme qui roule, même à l'envers. Si tu ne sais pas le faire, mon enfant va naître. Et le doc en est fier. Si tu veux pécho, viens voir gynéco. Mon grossiste est virgin, achète en kilo. Les sales gosses sont dans la place.

français, planète rap. La nocturne. Chaud lapin FM. Chaud lapin. Mon papa à moi remix. Mon papa à moi remix. Et il y a du monde là-dessus, écoutez, écoutez ça, mettez-vous bien, c'est la nocturne, c'est 100% rap français, 100% classique. Envoyez les messages, hashtag la Skyrock, hashtag la nocturne, ça arrive direct dans le studio. Dipoliti, après prendre le contrôle, vous inquiétez même pas, on est là. Mon papa, moi c'est un gange, le genre de gangster qui bouge en silence. Manigance en douce dans la douce France, j'ai dame son plat de riz avec les mains et ce whisky. S'essuie la bouche avec la main. Ahmed Day! Un peigne afro dans la poche gauche, dans l'autre une fausse feuille d'embauche. En guise de couverture pour les flics gauches. Mais il sait dire, oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Pour qu'on le laisse circuler, puis après il continue à faire son business. Hey, arrivé au foyer, il me dit de tailler, me lâche des billets. À peine la porte fermée, je me mets à mater. Par le trou de la serrure, mais ce que je vois. Jamais je te le dévoilerai parce que je balancerai jamais celui qui me donne à manger. Même si mon papa marche la tête baissée dehors, pour moi et pour la famille au bled, il reste le plus fort. Mon papa manigance, mais il s'estère. Le genre de gangster que t'en verras jamais par vol. Je paye en dollars, sterling, London, l'heure précise. Comme les profs, j'utilise les strophes pour décrire les catastrophes. Imagine une prime, une vermine qu'il faut que j'extermine. L'atmosphère musicale, les mines, les rimes, mais ça se termine. Primo, mon nom passe Idezio, ministère, tertio. Un gangster en cachemire, pas en polyester. Une Manchester, champagne, Magnum dans le holster. Dans mon hystérique western, j'ai le rôle de Winchester. Un hostile gangster qui vient des mystères de l'ouest, qui bise à Rio, à Manchester, Esther à Palerme. Pour qui la terre entière n'est juste une cage pour un hamster. Un gangster qui rêve même de niquer le système stellaire. Faire de la vendetta, une façon de communiquer. Papa et relations publiques au micro, un expert. Papa gangster, maman doit se taire. Pleure pas, un jour petit, tu prendras la place de son. Un rep à lui, c'est ta vraie. Un rep qui fait rep. Un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu te demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire. Y'a rien à faire. Père est un gangster. Un rep à lui, c'est ta vraie. Un rep qui fait rep. Un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu te demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire. Y'a rien à faire. Père est un gangster. Papa, c'est pas un gangster, c'est Zorro. Il met sa fausse barbe rose. Son masque à la banque latine. Après on joue à Starsky et Hutch. Parce qu'il roule aussi speed, casse plus de caisses. Il met les mêmes Nike à l'école. Pire que Tom Sawyer, j'ai les meilleurs notes sans le vouloir ni le pouvoir. Et les plus bonnes profs, jamais on m'a collé. Je suis fier de mon props, c'est le meilleur. Les juges l'appellent monsieur Oxmo Puccino. Dans les news, j'ai vu ce kef qui m'a foutu le blues. Ox disait dans une fac de 100 boxés, on aurait dit par 12 tox. Papa est revenu avec un cuir marron, le même que ce même civil. Quelle coïncidence, c'est pas un gangster qui roule en roadster. Je reste le chéri de sa voisine, une meuf terrible. Papa est là, le poster. Du bise, le papa de beat, brisqueur sur les disques. On part de lui, ouais, et on dit que ouais, c'est un mythe. Pas de black, pas de baggy, rouge, les vis, ras les couilles. Ouais. Bagon, euro, boogie, gangster, aux aguets, même pris en flag. Il n'y est drague, les jupes, mini, zigzag avec les stupes. Finit toujours ses jobs, du métal sous son pack, mini bob. Sur le crâne, top, jamais la couleuvre. Ça fera nous vélouse, sa bune, partout, une putain d'œuf. La savane, son royaume, il traite ses choses. La zeb, son médicament, XL. Quand maman fils, sans maman fixe, je le suis. Elle n'a pas de principe, qui sur tout ce qui rapporte. Exporte son fils, vif le soir, le matin t'approches pas de sa fort poitrine. Grosse paire de coronets, son monde est moisi. Bourré de saisie en tout genre, et cette fois-ci à Roissy. Ils sont vol couché une glace avant de ce vaisseau. Ne dis même pas au revoir, à tout moment sa vie peut t'essaut. Respect, j'irai jamais traîner tout près de ses vestons. Mais où est son caisson dedans, je sais qu'il trouverait du bon. Son rep à lui, c'est un vrai. Un rep qui fait rep, un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu te demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est hérédité, y'a rien à faire. Mon père est un gangster. Son rep à lui, c'est un vrai. Un rep qui fait rep. Un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu te demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est hérédité, y'a rien à faire. Mon père est un gangster. Mon pape, je le connais trop pas. Trop absent pour être honnête. Trop pro pour mettre du sang sur sa gourmette. Comme dit le raga, un toku dans la poche, même pour les enterrements. Et emmène sûrement même un pompe dans le BM. Un œil sur sa bague où ils sont comme en limousine. L'autre sur mes cousines. Pas de religion, pas de prêtre. Pas de rabbin, est-ce qu'on fait ce qu'à la tête perd là-bas? Prends jamais l'un de ces gamins par la main. J'sais qu'il a tellement semé sa semence en France que quand je t'appelle refrain, c'est pour de vrai. Si tu lui dois beaucoup de sous, il te fout un coup de coupe-coupe sous le cou. Daron fiancé au tiercé, tu veux niquer sa maille au domino. Y'a des filles comme au Bobino. Vengeance, y'a plus de jeu, plus y'a de Jean-Jean. Et n'a que de potes, car y'a moins de rhum et de ganja, plus y'a de gens. Mal nègre, fonce des, faut toujours qu'on finisse. Par battre nos femmes et chaque jour plus pire que nos pères, imagine nos fils. Dring, dring, papa c'est les flics, casse-toi. Depuis que je suis tout petit, c'est ce que je lui répète à chaque fois. Les huissiers, les impôts, le fils cocu. Il leur met dans le cul, prend leur femme et les fait devenir cocu. Leur corne pousse, wanted alors il se barre en bled en douce. Quand il repart, il a trop de gosses et il les connaît même pas tous. Toutes les femmes lui disent qu'il finira malheureux. Il répond salope, salope, j'ai mon fils au monde, y'a pas mieux. La seule qu'il respecte c'est ma mère, mais elle se laisse pas faire. Et elle lui jette un verre, point de suture à l'arcade sourcilière. Et il peut rien y faire, sinon lui et moi c'est la guerre. Si un inspecteur jacte dans l'haut-parleur, il lui dit nique-toi. Je dirais pas que toutes les polices le recherchent. En tout cas celle de Paris, c'est Paris qui se cache dans une brèche. Je sais pas de reconnaître ma voix, je suis enrhumé à force de le chercher. Quand je suis bien stomi, je suis la plein comme mon père et son père à lui. Son rap à lui c'est un vrai, un rap qui fait rap, un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire, y'a rien à faire. Son rep à lui c'est un vrai, un rep qui fait rep, un putain de daron, un pacha, un caïd, un baron. Si tu demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire, y'a rien à faire. Père est un gangster. Son rep à lui c'est un vrai, un rep qui fait rep, un putain de daron, un pacha, un caïd, un baron. Si tu demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire, y'a rien à faire. Père est un gangster. Son rep à lui c'est un vrai, un rep qui fait rep, un putain de daron, un pacha, un caïd, un baron. Si tu demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire, y'a rien à faire. Père est un gangster. La rep qui fait rep, la nocturne 100% classique. C'est chaud, Ify, Tommy Bugsy. Greg est dans la maison. Le double Greg est dans la maison. Greenleaf, Nora est dans la maison. La Guapache est dans la maison. John Gage est dans la maison. Papi Keira est dans la maison. C'est toi, c'est toi. C'est moi. Bah oui. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Classique dans la nocturne. Les flammes du mal. Pigalle, samedi minuit, capote, saloperie, carotte. Danser ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent l'herbe. Les gens sont comme des cerfs dans le quartier. Veulent quartier Lacoste, Ralph sont claqués, beaucoup sont claqués. Des bombes CRS, des militaires. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. Et 2, 1, si étudie le terrain. 2, 3, ça sent le soufre et le dawa. Réalité dans l'escalier, le petit zouté les grandit. Vie du camé, amé, amené au calné, planté. Tu me pousses, le push qu'à tous, nos vices et nos bourses. Tracé, y passer ou tout casser. Tes grands plans MJC, assez. Le million, le million. On s'envenime pour peser dans le Concorde l'autre nuit. Les flammes du mal ont frappé la Tessie. Le temps des mots terminé, prier c'est grillé. Là-haut ça répond pas donc on s'allie au diable. Et comme Attila, on va piétiner ces élas, prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer vu que le paradis n'est pas. Toutes vos descroques qui s'escroquent évoluent dans nos rues. Salut la nuit les loups. Du biz, les cerbères sont à l'affût, le prolétaire du PMU, fonce les hauts rouges, va te viser. Halte sur l'asphalte, tout est si vite arrivé. Bienvenue dans les cités où la police ne va plus. Nos hypotes récoltent le fruit d'actes désinvoltes. Survoltent et comme des pites survoltent, craquent avec leur colt. Un coup de pression, vas-y, parce que j'ai toute salope. Deux, course poursuite, voilà les flammes sur le macadam. Ça part en vrille, se nique et se bousille. Plus de combat dans la ville, ça se trouve et s'enfile. Pour tous ces mêmes butins, la réputation. Il faut le butin et ça se bute pour des histoires à franc 1. Ça brûle à la mémoire du disparu, trop long vu. Croqué, coqué, t'es choqué. Ok, c'est déréglé, mais nous sommes des satellites sans envie. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. 309 keufs prépare ton bluff. 22-22, black que le bleu, bave, but et fais feu, bouge tes stuffs. Le diable débarque au check-up pendant les premières larmes. On fait appel à la flamme pour calmer les âmes. Ça veut se venger dans la foulée, allez, certains vont brûler. D'autres pour se défouler viendront aussi tout péter. Fêler des vitrines cassées, filets recelés. Pensez au blé, le bise continue à rouler. Barre de fer, CRS, casse, fumigène, bouclier. Tant pis pour les affolés, ça va charger d'étaler. Barrage installé, les pavés vont voler, voler. Le sang va couler et plus tard, le maton te guette. Certains vont tourner, tourner, gamer les galérés. Les âmes vont danser, les scars, la sorte blasée. Viennent embraser les esprits, brûlant, surexcités. C'est certain, les plombs vont sauter. Ma cité va craquer. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le darwa, niquer la haria. Sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le darwa, niquer la haria. Les flammes de l'enfer, vite le paradis n'est pas. 8-6 dans la cité, 6-6-6. Chapitre 13, verset 6. Asphyxie, petit à petit fleurissent les flammes du mal. Acte 21, s'installe en chacun. Une partie de l'esprit du malin. Foutre le darwa, niquer la hala. Ouais, ouais. Stop. Sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le darwa, niquer la hala. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Yeah, c'est arrivé près de chez toi, presque sous ton nez, NTM. Ouais bébé. Jice. C'est la vie qui veut ça. Et sincèrement je serais pas. C'est sûr en aucun cas grand comme bêta. Je roule en bas et là ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi. Et pour moi l'exclusion c'était si simple que ça. C'est rien que du direct live et les choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères. Le peuple subit, subira. Au contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout temps. Pour les problèmes latents, tant ignorer sauf quand. Faut se faire réélire. Mais attends y'a pire. Ouais. Si t'attends le réveil des foules, c'est du conspire. On nous tient à la gorge par le biais de grandes espérances. C'est comme ça que subsiste l'attentisme en France. Dans ce pays où on laisse passer l'intolérance. On se massait pour contrer les suppôts des survivants du passé. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette guerre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette guerre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, tout donner. Va changer les données, ils sont le coin, nos cloques. Le Glock va détonner. Grisé, intempérie, Babylone m'étreint. J'ai des péripomés à me demander où est le bon chemin. J'suis pas le seul dans ce cas à vivre en astreinte. On est tout interprète chez moi à vouloir porter plainte. La populo demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, le FN monte. Qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. Nos nerfs et l'effet de serre les auront à l'usure. Crilon, ça ne s'efface pas, c'est sûr et non. Y'a trop de NTM pas sur les murs. Bloc par bloc, les cités des blocs. Le lascar moyen vide de troc. Chasse le gaz, puis il débloque. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard. Place au jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes barres. Survie oblige, c'est un système barbare. On ne va pas colmater la fracture sociale de plat de fuite. Encore plus qu'en 68, va falloir se battre. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner. Y'a qui dans les églises, les CRS peut faire des pères qui se profitent chez nous. On se laisse civiliser, on trompe quand on vise. Et puis s'il y a meurtre, on déguise l'affaire, on dit qu'il y a méprise. Technique de déguise, bien connu, tu restes reconnu, devenu quelque chose de convenu. Les bavures sont au menu, je te souhaite la bienvenue dans la France de ceux qui pensent qu'en banlieue on peut pas penser, puisqu'on pense qu'à danser, rapper sur des beats cadencés. Marc qui pense cycler, 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés, donc c'est clair que c'est pas gagné. Qu'avec leur vision bornée, je me dis même que le mec dressera le pays, il est pas encore né. Ouais, c'est ici qu'on vit, et c'est ici aussi qu'on fait. La plus grande bande de fachos qui fissent. Peur en son temps fissi, on laisse couler, on est mort. Coupons les couilles du port. Ouh, ça c'est fort, mais y'a plus fort encore. Y'a des ex-nouveaux ministres grillés qui viennent parler, se faire réélire à la télé, briller, crier leur innocence riée. Pour qu'on oublie que l'histoire du sang contaminé, c'est pour du fric et non pas trier. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le ce bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, tout donner. Après de changer les données, ils sont le coin, nos cloques, le clock va détonner. Pour l'afro change de données. C'est la nocturne, c'est 100% rap français, 100% classique. À une époque, j'ai connu un mec qui s'appelait Benjamin Chulvanich. Il s'occupait du label Hostile Hip Hop. En 96, il avait monté la compile Hostile. Et sur Hostile, il y avait ce morceau qui m'avait rendu dingue. Franchement, ce morceau est toujours bon, toujours d'actu. C'est la nocturne. Et on bouge le boule. Ouais. Pas mieux demain. Timour dans la nocturne, 100% rap français, écoutez ça. C'est carrément des fachos du quartier qui chargent avec les flics. C'est carrément des commerçants du quartier fachos qui chargent avec les flics. Là, ça y est, ça peut arriver de toute manière. Il y a une voiture qui commence à être retournée. Un cocktail molotov qui commence à exploser. À arriver. Paris s'éveille et les esprits meurent un peu plus. Nos vies ressemblent de plus en plus à la roulette russe. Attention, l'attention, témoin dans les deux têtes. Parler de paix, c'est comme pisser dans la nocée. Les jeux sont faits, rien ne va plus pour personne. En somme, tout part en couille et ce n'est pas fini. La police accentue la pression. Question, quelle révolution s'est passée de la confrontation? Tout le monde a les nerfs à vif. Alors ça fait beaucoup de Joe, de stick et de spliff. Plus aucun kiff à part les tasper, la fonce des se laisser aller, parfois même s'oublier. C'était claqué quelquefois, mais ça ne dure pas. La réalité reprend très vite ses droits. Quelque chose va mal et tout le monde le sait, mais tout le monde fait souvent comme si de rien n'était. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Écoute ce refrain. C'était en 96, écoutez ce morceau. Timour, pas mieux demain. Je casse des dix pour les queues, mais qui comme Macomé sont tombés sous les balles des tafioles armées. Si les XD étaient les gardiens de la paix, elle aurait crevé depuis longtemps, victime d'une bavure à coup sûr. Le diable est parmi nous, Lascar, il porte un uniforme. Mais se déguise en noir, il est en ville si provoque pousser RSS et s'attaque de préférence au cum de mon espèce. Mais laisse, il aura la monnaie de sa pièce. On allumera la mèche et le feu fera le reste. Le stress a fait naître un nouveau slogan. C'est deuil pour deuil et 100% serre les dents. Si tu péflis, l'état péflit aussi. Sinon tu ne verrais pas tant de vigiles de ville si se multiplier dans les rues, dans les trônes, mais comme les renois la nuit dans les commissariats de quartier. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. C'est-à-dire de reculer les gens un peu à l'extérieur du quartier. Du coup, ils reculent. On était en 96, écoutez ce morceau, Timour. Maintenant rien ne se règle avec la gueule et les poings. Place aux chiens, place aux gueuflins, les chargeurs sont pleins. Tout le monde se la teubait, personne n'est le tremet. Mais tout le monde a le droit de refuser qu'on le fasse chier. Le respect passe par la goumée. Tester se faire tester, tester se faire détester. C'est tant pis, s'il y a des décès, s'il y a des blessés. Si le sang se mêle à des larmes, on est habitué, c'est parfait. Si t'as capté que la reggae ne se joue plus à la télé, mais dans ton propre quartier désormais c'est erreur dit contre erreur dit, leur dit contre leur dit. Reconnais tes ennemis qui sont aussi parfois les amis de tes amis. Paris ne vit plus que pour réparer ce vide. Tu saisis, je casse des vies celles-ci aux mauvais garçons, à ceux qui ont pris con, à ceux qui sont béton. Mec, écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. La nocturne. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Le thème

Et le club dédicace parce que c'est dur quand même, gros. Merci, mon gros, merci. Il va le faire, il Orange, le faire, orange, gros. La vie est gros dans les délices, c'est du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Le sort collabore, emporté des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps d'angoisse. Casse un enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un insol. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Les Bad Boys de Marseille sur le Prado, ouais. Et la pointe rouge. On est là, on est là. Marseille. On ne vit qu'une fois. Faut prendre du bon temps, oui autant, autant. Profiter des instants les plus plaisants. Le monde est ainsi plus fait de subtilité, ouais. Trésor caché de gâté. Suffit de les débusquer en abuser, ouais. Avec caisse. Si tu peux me faire confiance, j'entre dans la danse. Sale gosse de plus siège à la table des hautes instances. Un accro du micro qui fera mal à ta tête. Prends un aspo et laisse faire les pros. Magic Marseille. Non, tu sais que dans ma ville des MC déchirent. Multiplier notre empire, graver notre musique dans tes souvenirs. Faire le mal car dorénavant la famille sort, ouais. Du côté obscur, sûr de t'avoir à l'usure gazé. Chaud comme Marseille. On est chaud à Marseille, Samy ou quoi? Pourtant elle est grande. Des 90 je contrebande. Façon Luciano dans la légende. L'indomme des Andres. Arme blanche branchée. Laisse des traces aux intrus. On le rat. Fracasse les astras sur les rues. Dans la rue les combattants serrent les rangs. Fier même sans un franc. Oublie la frime comprend. J'avoue mes rimes comme des saints. Rentrant au petit noyé dans la masse. Les rapaces manquent d'espace. Ils se tirent dans les pattes. Fais place aux bagarreurs du mic. Ici c'est Mars. Surface rouge, la population panique. Histoire tragique, atmosphère tendue, volcanique. Linge pendu, mur sali, post-trafic. Tape au cœur de l'Asie, automatique de Matley. Français. Allez, il est temps de tirer l'histoire. On finit avec l'homme qui valait pas 10 centimes du docteur. Allez voir Doc Gynéco en tournée. Il y a eu plein de mauvais messages sur lui. Mais franchement, on l'aime toujours le docteur. J'adore. Allez le voir en tournée, il fait plaisir. Bruno, je t'aime. Moi aussi, allez. Je t'aime. Toi, reste tranquille. Mais je cherche un gynéco depuis des années. Il est temps de plier le store, Fred. Ouais. Dans un instant, le store va tomber. Fin de la nocturne. Mais juste avant, il y a ce morceau. Tu savais ce qu'ils pensent des gens de couleur, ma sœur. Y'a pas de fleurs dans mon malheur. Pour t'en offrir, je me fais rappeur. Pourquoi subir tel un cireur de chaussures? Pour m'en sortir, je suis conteur de mes aventures. Un mec à la recherche d'une femme pure. C'est sûr, si toutes les meufs étaient carrées. Si toutes les meufs étaient carrées comme Maria. Je fumerais un loin de Bavaria. Je combattrais la peste, la malaria. J'aurais la foi comme Mère Teresa. Toutes ces promesses gravées sur le cercueil de Lady Di. Comme comme à Dallas pour Kennedy. Vous m'aurez pas, j'ai un holster sous mon teddy. Le pape endort la masse avec des promesses à la messe. Laisse, j'encaisse. Bonne musique, faut signer sur des labels qui pensent qu'au fric je fais, et si je pouvais, je ferais les pubs qui vont avec les tubes, et tu comprendrais comment on s'entube. Demande à Virgin si j'ai des copines dans la machine. Elle a changé le cours de ma vie. C'est des sadiques, je veux le contrôle de mes clips. Fonce-dé, mais pas teubé. Je suis pas la poule au disque d'or ni le presse-billet. Un coup de rhum vieux et je m'arrache où Dieu le veut. J'en ai 23 et il a des projets pour moi. J'ai pas raison de vouloir faire les liaisons. Ou t'as peur qu'enfin arrive notre saison. T'es qu'une balance, un mec comme toi peut suffire à faire sauter tout ce qu'on veut créer notre empire. Entré libre, reprendre les livraisons lorsque mon beeper vibre. On déclare ce jeune branleur ivre, révolutionnaire. Avec le recul, la vérité a dû leur plaire. Ils parlent de moi en exemplaire. Ils disent que je suis fou, que dans la vie j'ai fait mon trou. Pas besoin de grimper dans leur estime. Moi je suis l'homme qui valait pas 10 centimes. Y'a que les morts qui parlent pas. Un dernier scud avant qu'on me fasse sauter le pas. Quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le monde des affaires, le rap, les ministères, c'est toujours un gangster. Gangster qui contrôle l'affaire. Fini pour la nocturne. Non, on en veut encore. Non, c'est jusqu'à fini. La mort, hardcore. De Quinch, viens là, la famille. Encore. Dédicace aux poteaux de Quinch. Franchement, ça c'est la famille. Salut mon Fredo, ça va? Gros, ça dit quoi les inondations là? C'est la merde à Paris. Là, okay. On a passé le top cru et tout ce qui a pu péter, le top cru. Ouais. On a pas en avis. Mais tu sais que j'ai des seaux, gros. Ouais, moi j'habite en sous-sol, c'est un peu compliqué. Bah, on vient avec les seaux demain. Dans une cave, je t'écoute dans une cave, Fredo. Et bah demain on sera avec les sauts. Merci à Samy qui était là, Nora. Toujours présente. Comme d'hab, la famille. Guapache était là. Guapache était là. Green Leaf était là. C'est comment le monsieur? Comment tu... Maxime. Il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Comment? Max, M-A-X. Ok, M-A-X était là. Jean Gage était là. Fabuleux. Fab, il est où? Il est en train de faire le karaoké. Les deux Greg étaient partis aussi. Merci à vous tous d'avoir veillé pour la nocturne. Il est grand temps de tirer les stores, vous entendez la voix. Il faut y aller. Mais à vendredi prochain, parce que franchement. Non, ouais, vendredi nocturne. Prochain, on sera en pleine forme. Dipolito. Pour la prochaine nocturne. Dipolito, hello, Dipolito. Allez, allez, allez. Dipolito. Appelez-moi Dipolito, vite. Eh, viens. Gros, vas-y, fais-nous un petit speak, tu sais, genre, on écoutera ça dans un instant. On écoutera Jeezy, Me, Myself, and I. Non, mais Escrew, ces gens, ils seront bientôt dans Planète Rap. Vas-y, gros. Mais le Escrew, c'est dans deux semaines sur Planète Rap avec Fred Musa pour animer. Hein le mec balance, tu veux balancer mon adresse aussi. Non, mais c'est Escrew dans deux semaines. Et la semaine prochaine, on retrouve DJ Case. Et on fait un bisou à Fabuleux aussi, qui n'est pas là ce soir, mais voilà, on l'embrasse très fort. Dipolito, on est parti ou pas? Oui. En chaud, bam. Allez, chut, repos, on va se coucher. Non. Si, on va se coucher. Mais non. Ah, on va voir Cachin. Allez. Rap and R&B. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.